et je reste des heures à regarder la mer. Le cœur abasourdi, les pensées de travers. Et je ne comprends rien à ce triste univers. Tout est couleur de pluie, tout est couleur d'hiver. Je suis ce fier bateau qu'on vit un jour partir et qui n'en finit plus de ne plus revenir. La mer a ses amants qui s'enivrent de vin. La mer a ses amants qui se grisent à ses fers. Je n'aurais donc été en ce grand univers qu'un de ces marins-là qui vont en solitaire. Et l'inutile cri d'une inutile fête. Regardez la mer.